hommes et femmes, c'est pas que de la biologie, c'est du genre. Est-ce que le genre, c'est une idéologie? Qu'est-ce que c'est que le genre? Si on prend une définition toute bête, vous auriez être une fille ou un garçon, sexe biologique. Et après, ce qu'on va appeler, alors plutôt en sociologie française, sexe social, qui serait être masculin ou être féminin. Quelle place j'ai comme homme, comme femme, comme petit garçon, comme petite fille dans la société, en plus de mon corps? Et là, ça pose souci. On aurait sexe biologique, un socle naturel. Et puis, donc là, on aurait la biologie, on aurait la science, on aurait la génétique. Et puis la socio, l'histoire, la philo travailleraient en fait sur le sexe social. Une fois qu'on a un corps qui est biologiquement fait, qu'est-ce qui devient dans la société ?